On demande votre attention, ou plutôt votre concentration. Concentration. Concentration. De consommation, on vous fait venir en masse, asphyxiez-vous au rayon douche. La publicité vous matraque comme de la propagande fashion. Tu peux pas payer, on te traque comme le faisait la Gestapo. Nous avons les moyens de vous faire payer. Montez, montez dans notre train. Venez acheter, acheter, acheter, acheter, mes enfants. Faites acheter. Porte d'étranges noms, Leclerc, Carrefour, Auchan, Super U, ils vont vous gaver de produits pour mieux ensuite passer au régime. Super, hyper, Intermarché, Super, hyper, Intermago, ils l'amènent à chaque fois s'éclater, ils vont s'en foutre plein les fouilles. Auchan, Marfroid. Tapez votre matricule. C'est pour la délation.